Je me promenais dans la rue. J'ai dû faire un faux pas, pauvre de moi. Car quand je suis tombé sur toi, tu m'avalais tout cru. J'avais pas choisi, j'ai jamais regretté. T'es entré dans ma vie et tu me l'as changé. Emberlificoté dans tes filets, toujours assasié, toujours affamé. J'ai pas vu le temps qui défilait. Ces longues ombres sur mon papier. J'avais pas choisi, j'ai jamais regretté. T'es entré dans ma vie et tu me l'as changé. Dévoré par mes sentiments, j'ai pas su te dire ce qui avait changé. Et dans une nuit de tourment, j'ai laissé nos chemins se séparer. J'avais pas choisi, j'ai jamais regretté. T'es entré dans ma vie et tu me l'as changé. Maintenant je fais semblant de me tromper de quartier. Quand je visite les endroits où on s'est aimé, je me demande toujours pourquoi. J'ai fait une overdose de toi. J'avais pas choisi, j'ai jamais regretté. T'es entré dans ma vie et tu me l'as changé.